Merci. Alors, après de passer par nos très sombres forêts, on vous emmène faire un petit tour en Inde. Eh oui, hein, l'exotisme, on adore ça. Donc, pour une chanson sur les fakirs. J'enfonce le clou en plein milieu de ma joue. Et pour faire une pause, je pratique l'hypnose. Y'a rien qui m'émoustille comme planter des aiguilles. Moi, la pénétration, j'connais rien aussi bon. Fakir, je suis fakir, je souffre pour mon plaisir. Fakir, je suis fakir, la douleur, moi, ça me fait jouir. Mes pieds, c'est des merguez, quand je marche sur des braises. Sur des charbons ardents, je suis vraiment décadent. Je parle aux animaux, les insectes, les oiseaux. Y'a guère que mon chien qui chie dans mon jardin. Fakir, je suis fakir, je souffre pour mon plaisir. Fakir, je suis fakir, la douleur, moi, ça me fait jouir. J'avale pas de couleuvre, mais des sabres en hors d'œuvre. Je bois des midis, je suis un ascète garni. Je retiens ma respiration pendant 15 secondes environ. Et sous mon turban, je charme des serpents car je suis fakir, je suis fakir, je souffre pour mon plaisir. Fakir, je suis fakir, la douleur, moi, ça me fait jouir. Merci, merci pour eux. Sont déjà revivre. Ouais, je sais, hein, l'eau de feu de l'homme blanc est traître, effectivement. Quoi. Surtout pour les phases de terre cuite comme moi, c'est dur. Donc, bon, bah, ensuite, toujours dans la série Une chanson, un métier, on enchaîne sur la jeunesse défavorisée, et oui, on va vous faire pleurer. Donc, c'est une chanson sur les espaces verts et tous les gens qui travaillent. Spéciale dédicace aux espaces verts de Lille. Ouais. Combien de points en Villefleurie ici? Et pour la communauté urbaine aussi. Merci. Ouais.